Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, sublime, forcément sublime, Christine V. Ou quand Marguerite Duras écrivait sur l'affaire Grégory. Publié le 17 juillet 1985, 8 mois après le début de l'affaire, le texte de Duras, présenté comme une fiction littéraire, dresse le portrait de la mère de Grégory, Christine V. Une mère que la romancière imagine coupable, mais magnifique et tragique. Le tout dans un texte de 3 pages qui scandalisa la France. Car Christine V, version rurale et populaire de l'infanticide Médée, c'est Christine Villemain. Une femme, une vraie femme, une jeune femme, 25 ans à peine, qui vient de perdre son enfant et qui bénéficie de la présomption d'innocence. Une présomption d'ailleurs bafouée avant Marguerite Duras par une partie de la presse qui couvre goulûment cette vertigineuse affaire et voit dans la mère du prodigue Grégory la coupable idéale. Provoquant, inconscient ou sublime, l'article de Duras, sommet de ce processus de diabolisation médiatique, vient questionner et le rôle du journalisme et celui de la littérature. Dérive pluvieuse de la Vologne aux salles de rédaction parisienne, retour donc sur un texte littéraire qui plonge le fait divers au-delà du réel, pour le meilleur et pour le pire. Notre invitée, Laure Adler, auteure d'une biographie de Marguerite Duras, publiée chez Gallimard, et productrice de L'Heure Bleue, tous les jours, sur France Inter à 20h. Vous entendrez également, au micro d'Adèle Verzo, une interview du journaliste Denis Robert, qui était correspondant de Libération dans les Vosges et qui a accueilli Marguerite Duras. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, lecture Sabine Aubin, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La nuit dernière, un petit garçon de 4 ans, Grégory, a été retrouvé mort dans les eaux de la Vologne, à quelques kilomètres du domicile de ses parents, où il avait été enlevé en fin d'après-midi. Un crime horrible, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce geste, qui endeuille aujourd'hui le petit village de L'Épange, dans les Vosges. La police garde le silence le plus complet sur l'enquête qu'elle mène depuis hier soir. Apparemment, il pourrait s'agir d'une vengeance familiale ou professionnelle, une simple hypothèse pour l'instant, mais une hypothèse qui reste sans commune mesure avec le caractère odieux de ce meurtre. 17 octobre 1984, les téléspectateurs du JT de France 3 Lorraine découvrent les premiers ce qui deviendra bien plus qu'un fait divers, un crime glaçant qui agitera bientôt la France entière et qu'on appellera l'affaire Grégory, que d'aucuns considèrent comme le fait divers le plus retentissant de l'après-guerre en France. La veille, le 16 octobre, à 21h15, le corps du petit garçon, bouclette châtain et visage poupin, est retrouvé dans les eaux sombres de la Vologne, une rivière des Vosges, désormais tristement célèbre. Le même jour, les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain, reçoivent une lettre anonyme qui dit « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef ». Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Depuis 3 ans, un mystérieux corbeau envoie menaces et insultes aux Villemain qu'il semble connaître intimement et détester. Plus riches, plus heureux, plus amoureux, Jean-Marie et Christine Villemain, 26 et 24 ans, ont bien malgré eux attisé une jalousie funeste au sein même de leur famille. Un drame à la Clouseau qui trouve vite son public. Lors des obsèques de Grégory, Christine Villemain finit par exploser face aux caméras de télévision. Sous le coup du chagrin, parfois de la pitié, mais souvent de la pression, elle pleure, elle hurle. Non, je ne veux pas. Pourquoi t'ont-ils fait ça? Tandis que les journalistes parisiens découvrent les penches sur Vologne, le quotidien qui sera désormais le leur, la rivière, les pavillons en crépi, la petite église, les gendarmes scrutent l'assemblée, les proches, les potentiels rivaux des Villemain. C'est le début d'une enquête sans fin et d'un emballement médiatique rarement égalé. Le petit Grégory Villemain a été inhumé cet après-midi. Plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné. Aucun doute, l'assassin de l'enfant assiste à la cérémonie. Peut-être l'assassin est aussi au cimetière et tout le monde craque. Deux semaines après la mort du petit Grégory, des tests graphologiques mènent jusqu'au cousin de Jean-Marie Villemain, un certain Bernard Laroche. C'est le premier rebondissement d'un feuilleton pervers que la France suit désormais avidement au fil des articles et des sujets télé toujours plus nombreux. Bernard Laroche arrêté, Bernard Laroche relâché, Bernard Laroche inculpé suite au témoignage de la jeune Muriel Boll, sa belle-sœur, et finalement, Bernard Laroche libéré après que la jeune fille s'est rétractée. Dénonciation, retournement de situation, rumeurs aussi, rumeurs surtout. Journalistes, gendarmes, avocats, magistrats, tout le monde parle, trop sans doute, quitte à violer le secret de l'instruction. Les fuites sont nombreuses, les lettres du corbeau, l'identité de Muriel Boll, course à l'info, course folle, et tant pis pour la déontologie. Les journalistes imaginent des scénarios accusateurs, traquent des gendarmes qui se laissent volontiers traquer, parfois le tout encouragé par le juge d'instruction d'Épinal, le devenu célèbre juge Lambert. Une surenchère qui fait plonger l'affaire dans le chaos. Bonsoir. Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche d'un coup de fusil. Bernard Laroche, c'est le cousin, celui qui était toujours inculpé du meurtre de l'enfant, mais que le juge avait remis en liberté. Le drame a eu lieu en fin de matinée, au domicile de Laroche. Ensuite, Jean-Marie Villemain s'est constitué prisonnier. Inculpé et écroué le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain laisse Christine, sa femme, seule, aux prises avec un revirement imprévu. Car la mort de Bernard Laroche relance une théorie inconcevable et pourtant bientôt défendue par beaucoup. Et si c'était elle, la mère, qui avait tué l'enfant? Rapidement, la France est divisée en deux. Les pro-Laroche qui défendent Bernard et les pro-Villemain qui défendent Christine. À chacun son hypothèse et pour une grande partie de la presse, c'est maintenant une certitude. Les nouvelles analyses graphologiques et des cordelettes retrouvées dans son garage le prouvent. Christine Villemain a tué son fils. Pourquoi? On ne comprend pas bien. Bovarisme, avance certains pour dire l'ennui d'une provinciale en quête de sensations fortes. Inattention, suggère d'autres. La mère aurait noyé l'enfant par mégarde dans le bain avant de cacher sa faute dans la Vologne. On n'est pas à une absurdité près. Mais le plus beau des motifs, à défaut d'être vérifié et de respecter la présomption d'innocence, encore une fois, ne viendra ni de la justice, ni des journalistes, non. Alors Christine Villemain a-t-elle menti? En haut du village, a-t-elle tourné à gauche vers Docel où Grégory est mort? Nous avons chronométré à plusieurs reprises le trajet Lépanges-Docel sur cette route étroite et tortueuse où personne ne l'a aperçue ce jour-là. Près de l'église, elle aurait ligoté l'enfant, puis l'aurait jeté dans la Vologne, derrière le bâtiment des sapeurs-pompiers. En 1985, Marguerite Duras, 71 ans, est l'une des romancières vivantes les plus lues. C'est une célébrité dont on suit les publications autant que la vie privée, chaotique, surprenante. Son dernier roman, L'Amant, a reçu le prix Goncourt et s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires. Grande lectrice de faits divers, elle les raconte elle-même dans des articles signés de son nom ou son pseudonyme pour Constellation, France Observateur, puis Le Nouvel Observateur. Simone Deschamps, meurtrière du docteur Evenoux en 1957, les tueurs des abattoirs de la Villette, Poubelle et la Planche, deux assassins condamnés à mort à 20 ans en 1958. Marguerite Duras a la passion de la vérité, dit-elle. En 1985, elle publie La Douleur, des textes semi-autobiographiques dans lesquels elle raconte la guerre, son mari, la résistance, la torture aussi qu'elle dit avoir exercée. Elle se confie dans les pages de Libération et pour la première fois, elle évoque son intérêt pour le fait divers du moment. Je suis dans l'innommable, dans l'horreur. Je vais vous dire quelque chose. Je voulais aller dans les Vosges voir cette famille du petit Grégory. Et puis le père a tué Bernard Laroche et j'ai renoncé au voyage. J'ai voulu y aller quand j'ai cru, parce qu'on me l'a dit, que c'était probablement la mère qui avait tué son propre enfant. Je voulais écrire ça dans le journal, que si elle avait tué son propre enfant, sa destinée se refermait sur elle. Qu'elle se trouvait devant l'inexplicable d'elle-même pour la première fois de sa vie, et qu'elle prenait connaissance qu'elle était œuvrée par Dieu, que l'énormité du crime que Dieu avait fait qu'elle commette la soustrayait au jugement des hommes. De fait, elle devenait sacrée aux yeux de ceux-ci, comme moi, dans la cave de la rue Richelieu. Marguerite Duras et Christine Wilm, la torture et l'infanticide. Deux femmes contraintes de côtoyer la mort, de pratiquer l'horreur, emportées par un destin plus grand qu'elles-mêmes. Deux mois plus tard, sur TF1, Duras le répète, elle aimerait aller à l'épanche sur Bologne. En face d'elle, il y a Serge Julli, directeur de la publication de Libération. Julli, qui connaît et fréquente la romancière à Trouville où elle vit, sait qu'elle est fascinée par l'affaire. Il raconte au micro de Laure Adler comment il commande alors un texte à l'auteur. Nous sommes en juin 1985. Donc au moment de l'affaire Villemain, on se voit et j'arrivais pas à discuter avec elle parce que elle me disait qu'elle était obsédée par cette affaire. Elle ne pensait qu'à ça. Et donc elle était plongée. Alors je vais pas être long. Je lui ai proposé d'y aller, évidemment. Et Marguerite s'est emparée de Christine Villemain pour en faire une héroïne de Marguerite Duras. Éric Favreau, responsable des faits divers à Libé, et Denis Robert, jeune correspondant du quotidien dans les Vosges, accompagnent sur place la romancière et son compagnon, Yann Andrea. Dans un premier temps, Marguerite Duras demande à rencontrer Christine Villemain. Elle veut la voir, oui, quelques instants seulement, mais elle veut la voir. Or, la mère de Grégory refuse, elle en a assez. Assez des journalistes qui la suivent, l'acculent et l'accusent. Assez qu'on la dise adultère, elle aurait trompé son mari avec Bernard Laroche. Assez de se voir reprocher sa grossesse, elle est enceinte de 6 mois. Assez qu'on annonce à tout va sa prochaine inculpation. Christine Villemain ne souhaite pas la rencontrer. Eh bien tant pis, Marguerite Duras ira voir ailleurs. À l'épanche sur Vologne d'abord. Elle se promène sur les bords de la rivière, sous une pluie fine et grise, puis dans les rues du village. Elle demande aussi à voir la maison des Villemain, qui n'habite plus. Cette maison sans jardin avec un tas de gravier devant, celui-là même où jouait Grégory quand il a été enlevé 8 mois auparavant. Là, Marguerite Duras a une intuition quasi surnaturelle, la confirmation de ce qu'elle pensait déjà avant d'arriver. Désormais, elle le sait, dit-elle, le crime a existé. Elle demande alors à rencontrer le magistrat en charge de l'affaire, Jean-Michel Lambert. Écrivain à 16 heures perdues, grand admirateur de la romancière, Lambert a 30 ans et peu d'expérience. Mais il en est certain, lui aussi. C'est Christine Villemain qui a tué Grégory, son fils. Le juge, le petit juge, comme on l'appelle, tant l'enquête est émaillée de faux pas, rencontre Duras, la grande Duras, prix Goncourt, ancienne résistante, pas non plus sans faux pas, mais bon. Pendant une heure, le juge et l'écrivaine parlent de Christine Villemain sans que l'on sache vraiment ce qui se joue là, dans ce bureau d'Épinal. Marguerite Duras se souvient en tout cas d'une anecdote. Christine et Jean-Marie dans leur cuisine. Je suis allée voir le juge, il m'a reçu. Mais il y a eu des épisodes très beaux. Il m'a raconté une histoire que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit que un jour, il n'y avait pas longtemps, il avait amené 2 steaks qu'elle avait cuits et qu'elle avait ratés. Et elle a reçu des claques. J'entendais les claques. Ça me figure des claques qui auraient pu la faire tomber tellement elles étaient fortes. Et je parlais avec lui et j'ai dit, ça peut donner envie de tuer. Il me dit, je crois, oui. Des steaks et des gifles dont le dossier d'instruction ne fait pas mention. Mais Marguerite Duras sortira confortée de cet entretien avec le juge Lambert. Désormais, elle sait ce qu'elle va écrire, elle sait qui a tué et elle sait pourquoi. Quant au juge Lambert, il n'hésite plus. Le 5 juillet 1985, il inculpe Christine Villemain pour assassinat sur la foi de témoin, qui assure l'avoir vue à la poste de l'Épange le 16 octobre vers 17h, l'heure à laquelle le corbeau a envoyé sa funeste revendication. En prison à Metz, Christine Villemain, 25 ans, enceinte de 6 mois, entame une grève de la faim. 11 jours plus tard, elle est libérée faute de charges suffisantes. Gâchis. Incompétence, souffle-t-on autour du juge Lambert, qui a inculpé sans preuve, sans mobile. Mais Marguerite Duras va se charger de lui en fournir un. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, Soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Dans l'affaire Grégory, aujourd'hui, 19 février 2019, la Cour de cassation a rendu sa décision et elle affirme que la garde à vue de Muriel Boll en 1984 est inconstitutionnelle. Or, c'est lors de cette garde à vue qu'elle avait accusé Bernard Laroche, son beau-frère, d'avoir kidnappé le petit Grégory. C'était il y a 34 ans. C'était en juillet 85. Serge Lully, ce jour-là, le directeur de Libé, reçoit le texte qu'il a commandé à Marguerite Duras. Elle l'a écrit en une nuit, transporté. Un texte magnifique, mais impubliable au regard de la loi, lui annoncent ses avocats. La romancière y décrit Christine Villemain tuant son fils et développe l'idée qu'une mère qui donne la vie peut avoir le droit de la retirer à son enfant. Plus transgressif tu meurs. C'est finalement un texte retravaillé, allégé et lissé que Libé va publier le 17 juillet 1985 dans un numéro consacré à la présomption d'innocence au lendemain de la libération de Christine Villemain. Serge Lully se souvient, au micro de Laura Adler. Alors, bon, j'ai beaucoup discuté avec Marguerite. Elle a mis quelques conditionnels. Chaque conditionnel a été une épreuve de force. Et j'ai fait un habillage qu'elle a très mal vécu, vous le savez. D'abord, je lui ai mis un titre. Il se trouve que ce titre a fait la fortune du texte, mais c'est moi qui l'ai fait, si j'ose dire. Elle ne voulait pas de titre. Elle voulait un texte sans titre. Peut-être avait-elle raison, rétrospectivement. Je pense qu'elle en a fait, une héroïne, que, en même temps, il y a une musique dans le texte qui est stupéfiante. Donc, quoi. Le titre, c'était? Christine V, sublime, forcément sublime. Voilà. L'article est accompagné d'un édito de Serge Lully, La transgression de l'écriture, qui, prévoyant l'inévitable scandale, avertit le lecteur. L'article de Marguerite Duras n'est pas un travail de journaliste, d'enquêteur à la recherche de la vérité, écrit-il. Il est celui d'un écrivain en plein travail, fantasmant la réalité en quête d'une vérité qui n'est sans doute pas la vérité, mais une vérité quand même, à savoir celle du texte écrit. De fait, Marguerite Duras transforme la mère du petit Grégory en héroïne de roman, un personnage fictif, presque mythique, incarnation d'une réalité de papier qui est celle de l'auteur. Christine Villemain devient Christine V, l'initiale rappelant d'autres personnages durassiens, Y-A-M-D ou Lollestein. Une lettre et un point, un indice discret, trop discret diront les détracteurs de la romancière pour signaler la fiction, la littérature, le décalage du personnage par rapport au réel. Et ce personnage, Christine V, Le voici, une femme sur un canapé en cuir, dans une maison neuve au milieu des collines nues, qui n'aime vraiment ni son enfant ni son mari. Une femme qui souffre d'ennui, qui lit des romans à l'eau de rose pour tuer le temps, puis qui tue son enfant. Une femme coupable surtout. L'enfant a dû être tué à l'intérieur de la maison. Ensuite, il a dû être noyé. C'est ce que je vois. C'est au-delà de la raison. On l'a tué ici, sans doute, dans la douceur, ou bien dans un amour soudain, incommensurable, devenu fou d'avoir à le faire. De la rivière, il n'est parti aucune plainte, aucun cri. Personne n'a entendu d'enfant. Quand on l'y a mis, il était déjà mort. La première personne qui a parlé de la disparition de l'enfant, c'est la mère de l'enfant, Christine V. En trois pages, Marguerite Duras fait de Christine V une mère infanticide. Une culpabilité de fiction qui dérange, car Christine Villemain n'en reste pas moins une personne réelle, impliquée dans une affaire en cours d'instruction, à qui la justice ne pardonnera pas, comme Duras pardonne. Car Duras pardonne, oui, elle disculpe moralement tout en accusant, et c'est là le sens du titre, sublime, forcément sublime, Christine V. Dans le texte de la romancière, le geste de Christine V se justifie non seulement par une vie sans saveur, mais aussi par l'oppression de la femme par l'homme. Si Christine V tue l'enfant, c'est pour effacer ce qui serait la preuve de sa servitude, de sa soumission au mari, au couple, à l'homme. Un geste universel, digne de la mythologie, qui libère symboliquement les femmes, la femme. Aucun homme au monde ne peut savoir ce qu'il en est pour une femme d'être prise par un homme qu'elle ne désire pas. La femme pénétrée sans désir est dans le meurtre. Le poids cadavérique de la jouissance virile au-dessus de son corps a le poids du meurtre qu'elle n'a pas la force de rendre, celui de la folie. Souvent, ces femmes essaient les lettres anonymes. Je parle du crime commis sur l'enfant, désormais accompli. Mais aussi je parle du crime opéré sur elle, la mère, et cela me regarde. Elle est encore seule dans la solitude, là où sont encore les femmes du fond de la terre, du noir, afin qu'elles restent telles qu'elles étaient avant, reléguées dans la matérialité de la matière. Christine V, femme écrasée, innocente, victime, libérée, coupable, sublime. C'est le portrait que dresse Marguerite Duras dans le texte de Libération. Un texte troublant qui choque l'esprit autant qu'il touche le cœur. Dominique Souchier conclut sa revue de presse du 17 juillet 1985 sur France Inter avec cette photo publiée en première page du Parisien. Christine Villemain sortant de prison la veille de la publication de l'article, toute de noir vêtue. Une photo si flou, dit-il, qu'on ne sait plus très bien si elle appartient à la fiction ou à la réalité. Hier matin, je vous parlais longuement du texte que Marguerite Duras consacrait à l'affaire Grégory. Elle s'était rendue à l'épange, elle racontait ce qu'elle avait vu et entendu. Elle essayait de comprendre ce qui s'est passé exactement, comme nous tous, car pourquoi ne pas le dire, remarque Jean Vartier dans l'Est républicain. Ce qui fascine l'opinion dans cette affaire Grégory, il faut bien l'avouer, c'est la possibilité qu'elle offre à chacun d'entre nous d'échafauder sa construction. On comprend donc qu'une romancière aussi douée que Marguerite Duras s'y soit elle aussi intéressée. Mais alors, explique Jean Vartier, il ne faut pas critiquer les médias pour la part qu'ils ont accordée à cette affaire. Mais dans le Figaro, Max Claus s'indigne beaucoup plus de ce texte de Marguerite Duras. « Ah, madame !» s'exclame-t-il dans l'éditorial. Comment peut-on écrire de pareilles insanités? Il y a des prisons pour les assassins. Eh bien, conclut Max Claus, il y a des asiles pour les malades mentaux. Dès sa publication, relate Dominique Souchier le 18 juillet 1985, le texte de Marguerite Duras provoque une inévitable controverse, celle que Julie semblait lui-même prévoir dans l'avertissement au lecteur qui accompagnait le scandaleux article. La littérature et la justice font rarement bon ménage, annonçait-il. L'une des règles quand l'autre règle. Vedette intello omniprésente dans les médias, détestée des uns, adorée des autres, Marguerite Duras provoque un tollé d'une ampleur inattendue. Rarement le monde de l'intelligentsia française n'avait connu pareille ébullition, écrit Jérôme Garcin dans l'événement du jeudi, qui donne la parole à six romancières en colère. Malaise, gêne, dégoût, confie par exemple Régine Desforges, qui parle d'une forme inconsciente de délation et de complaisance impudique dans le malheur des autres. François Sagan, elle, ne voit rien de sublime, mais vraiment rien de sublime dans le drame de la Bologne. Il est vraiment dommage que Marguerite Duras ait écrit cet article. Elle parle de Christine Villemain comme si c'était Médée. Mais Médée a tué parce qu'elle aimait Jason. Christine, elle, si elle est coupable, a commis le pire sans amour. Dans toute cette histoire, il n'y a pas un moment d'humanité, de tendresse de la part de Christine. Tous ces gens sont sans imagination, mais on veut leur faire jouer un rôle mythique. Il n'y a rien de sublime là-dedans. C'est raté, un point c'est tout. Les critiques diverses et variées adressées à Marguerite Duras sont parfois contradictoires. On parle présomption d'innocence, ou au contraire, on regrette le pardon que Duras accorde à Christine V. On reproche le mépris de classe et la divagation intello ou la trop grande confiance accordée au lecteur qui risque de ne retenir que l'accusation. On questionne aussi comme l'événement du jeudi et de cette façon. Marguerite Duras a-t-elle le droit d'entrer avec tout le poids de sa notoriété dans cette ronde infernale de juges, de policiers, de gendarmes, de témoins, de journalistes qui tournent depuis des mois autour d'un enfant mort? Peut-on jouer avec les acteurs d'une pièce bien réelle, comme avec les mots? Bref, la littérature a-t-elle tous les pouvoirs? Une querelle de gens de lettres qui achève de nourrir les débats de comptoir quant à la culpabilité ou à l'innocence de Christine Villemain, la vraie, qui était libérée le 16 juillet, mais pas innocentée. Car on l'a vu, la presse à scandale, bien avant Marguerite Duras, a divisé la France en deux camps, le deuxième accusant Bernard Laroche plutôt que Christine Villemain. Une opposition qui se teinte bien vite de politique. Car, dit Maître Garraud, l'avocat de la mère, autoproclamé partisan de la peine de mort et défenseur des franchouilleurs, proche de l'extrême droite, bien en face il y a les Laroche, militants CGT, qui ont choisi eux un avocat affilié au Parti communiste. Et l'analyse est vite établie dans les journaux de l'époque. Pour la gauche, dont Marguerite Duras fait partie, Christine Villemain est plutôt coupable. Et pour la droite, plutôt innocente. Littérature, justice et politique, un mélange explosif dont Libération se fait l'écho en publiant deux pages de courrier des lecteurs sous le titre « Marguerite, donne-moi ton cœur ». Nous sommes le 27 juillet 1985. Cher Libé, je t'aime depuis des années. Marguerite Duras, je la hais viscéralement depuis le premier film que j'ai vu d'elle. Alors qu'est-ce qui t'a pris? Que ce soit bien écrit n'excuse rien. Comme tout à chacun, tu as le droit à l'erreur, mais pas au crime. Mais pourquoi ce défilé de suppositions, d'intuitions, se muant en insinuations? C'est peut-être ça, Libération, le quotidien à sensation pour les consciences vaguement à gauche. C'est obscène. Vous paraissez fort bien connaître les lieux et Madame Villemain, voilà qui est douteux. Votre article n'avait peut-être pour but que de brouiller les pistes. Et oui, tout d'un coup, je me demande, et si le corbeau c'était vous, Madame Duras? Les lecteurs sont parfois moins taquins, comme Frédéric, parmi d'autres, à qui le texte plaît bien. Cette Christine V, alias Lollenstein, est sublime, forcément sublime, écrit-il à Libé. Sublime ou pas, Christine Villemain, elle, est consternée de se lire en héroïne de roman infanticide et privée de son patronyme. Mais les folles, celle-là, aurait-elle dit à propos de Duras, avant de porter plainte contre la romancière et Libération pour diffamation, atteinte à la présomption d'innocence et atteinte à son droit à l'image. Libé, qui me demande, de façon urgente, les articles, comme celui sur le meurtre de Grégory, ensuite fait paraître les réponses les plus ignominieuses à mon propos. Ce que je n'ai jamais tout à fait compris. Sauf de cette façon, c'est qu'ils exploitent le scandale du RAF. Eux aussi, Libé. Après la publication du courrier des lecteurs dans Libé, Marguerite Duras s'exprime sur TF1 au micro de Luce Perrault. Elle est choquée par la violence des réactions à son article. Elle se sent jugée, blessée dans sa réputation, mise au banc d'une société qui aime aussi vite qu'elle désaime. Pour autant, la romancière ne semble pas regretter son texte et s'excuse encore moins pour le tort qu'elle aurait pu causer à Christine Villemain. Cœur de tort, dit-elle. Elle n'en a causé aucun. Et elle répond à ses détracteurs dans Libération avec une série de textes courts intitulés « Avec ou sans les amitiés de Marguerite Duras » avant de rédiger une longue réponse à une lectrice anonyme, la lettre à Isabelle C., dévoilée 11 ans plus tard par Laura Adler. Elle confesse, oui, mais elle a inventé des gifles, ces deux claques données par Jean-Marie à Christine V. Oui, elle les a inventées, incarnation fictive de la domination du mari sur la jeune femme, de l'homme sur la femme. Mais elle poursuit, je ne crois pas avoir rêvé sur le destin de Christine V. Et de ce fait, avoir convaincu le lecteur de sa culpabilité. Je n'ai pas rêvé. On ne rêve pas quand on écrit, ou alors on n'écrit pas. Je me suis rapproché de Christine V. Pendant que Marguerite Duras se justifie en faisant appel à la littérature et à la liberté, Christine Villemain, elle, poursuit sa route chaotique sur le chemin d'innocence. Des hauts et des bas, le dessaisissement du juge Lambert, remplacé pour inefficacité, la naissance d'un enfant, Julien, dont les photos dans Paris Match paieront les frais d'avocat, la libération de Jean-Marie en décembre 87, le procès perdu contre Libération pour diffamation, la réhabilitation totale, enfin, en 1993, avec ce non-lieu, commenté par l'avocat de Christine Villemain à la sortie du tribunal. Eh bien, cet arrêt est capital parce que il se termine en indiquant qu'il n'y a pas de charge contre Christine Blaise, épouse Villemain. Nous l'avions plaidé devant la chambre d'accusation. Nous avions demandé à la chambre d'accusation de rendre un arrêt de réhabilitation, un arrêt reconnaissant l'innocence de cette mère. Eh bien, nous avons la joie aujourd'hui d'avoir été pleinement suivis. Le jour même de l'annonce de la décision de la cour d'appel de Dijon, Christine Ockrent revenait avec Marguerite Duras, 79 ans à l'époque, sur l'article publié 8 ans auparavant dans Libé. Chez elle, à Trouville, Duras se souvient d'un crime exceptionnel aux conséquences imprévisibles. Elle souligne une nouvelle fois encore la dimension mythologique de l'affaire, antique car paysanne. La campagne pure, encore avec des rivières, des collines. Elle réaffirme le pardon qu'elle aurait accordé à Christine Villemain si celle-ci avait été coupable, comme elle l'accorderait d'ailleurs, à toutes ces femmes qui vivent comme des vaches dans l'étable, dit-elle, soumises aux hommes. Elle pardonnerait, oui, car un pavillon, un catalogue La Redoute, une voiture, ça ne remplace pas l'amour, la discussion avec un homme, la liberté. Les mêmes idées qu'il y a 8 ans, donc, quand elle écrit « Sublime, forcément sublime, Christine V. » Mais pour la première fois, Marguerite Duras l'admet, même romancière, même libre, elle aurait pu prévenir, à défaut de guérir, et clarifier et préciser. C'est quand même une responsabilité énorme d'écrire là-dessus. Chaque phrase que je disais sur la probable culpabilité, la peut-être culpabilité de Christine Villemain aurait dû commencer par si nous sommes dans le cas d'avoir affaire à une criminelle, je crois que la criminelle aurait fait cela et cela avant de tuer. Mais la licence de l'artiste que vous êtes, c'est évidemment de ne pas prendre ces précautions-là. Voilà. Et alors là, j'ai été traité dans la boue et tout le monde entier a lu l'article parce qu'il était de Duras. Mais pour vous, c'est une affaire qui est close? Elle est terminée, je ne sais pas si elle est close. C'est comme le français de temps en temps. Close, l'affaire ne l'est toujours pas, 35 ans plus tard. Elle a même été relancée au printemps 2017 quand Jacqueline et Marcel Jacob, la grand-tante et le grand-oncle de Grégory, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration, bientôt suivi de Muriel Boll. Tous seront remis en liberté, sous contrôle judiciaire et avec interdiction de parler aux journalistes, car dans les Vosges, c'est reparti comme en 84, titre l'Est républicain. L'engouement du public est resté le même et celui des médias aussi. Et c'est sans doute cela que raconte le scandale provoqué par le texte de Marguerite Duras en 1985. Le rôle du journaliste, son pouvoir, ses responsabilités face aux tentations du voyeurisme, du sensationnalisme, de la course à l'info. Les responsabilités de l'écrivain aussi, lorsqu'il parle publiquement, lorsqu'il quitte son bureau pour affronter le réel, au risque de se heurter aux règles féroces du débat public. Une leçon de Christine V à Marguerite D., qui écrira dans son dernier roman, en 1993, « L'écrit, ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle, la vie. » Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la rencontre entre Marguerite Duras et le fait divers le plus retentissant de l'après-guerre. Enfin, beaucoup le considèrent comme le plus retentissant de l'après-guerre, l'affaire Grégory. Notre invité, Laure Adler, bonjour. Bonjour. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien, évidemment, puisqu'ils vous entendent tous les jours de la semaine à 20h. Ce soir, à qui l'invité d'ailleurs de l'heure bleue? François Héran, qui est professeur au Collège de France et pour lequel une chaire a été créée pour parler objectivement et sans passion, et rigoureusement et scientifiquement, de l'immigration. Bien, nous serons au rendez-vous. Nous avons la chance de vous avoir pour parler avec vous de cet épisode que vous connaissez bien, donc de cette rencontre entre Marguerite Duras et l'affaire Grégory. On ne présente plus Marguerite Duras, et d'ailleurs en 1985 on ne la présentait plus non plus, elle était célèbre ici, mais comment la percevait-on en France à l'époque ? Pas très bien, parce que finalement son succès lui est revenu comme une sorte de boomerang, et son succès en raison de l'immensité de l'accueil positif de l'amant l'a rendu, en tout cas aux yeux du grand public et aux yeux d'une partie de certains critiques, semble-t-il, un peu narcissique, un peu en dehors de la réalité commune. Elle avait affiché au-dessus de son téléphone, à son domicile parisien rue Saint-Benoît, une photo de la banquise avec des phoques tous serrés les uns contre les autres. Et elle disait à tous les visiteurs qui venaient la voir, vous voyez là ces phoques, ben, ce sont mes lecteurs. Et donc on trouvait, pour le dire un peu vulgairement, qu'elle déconnait un petit peu et qu'elle se prenait pour quelqu'un qu'elle n'était pas vraiment et qu'elle avait des visions. Alors je pense qu'il est utile de rappeler ceci avant d'examiner ce fameux article qui l'a rendu vraiment détesté par toute une partie de l'opinion française, sans doute à juste titre, mais je crois qu'il faut peut-être essayer de cartographier et de déplier la problématique littéraire, la problématique humaine et la problématique passionnelle de ce fameux article de Libération où, en gros, elle a dit, elle a écrit que Christine Villemain était coupable d'avoir tué son propre fils Grégory. Mais qu'est-ce qui l'a décidé à se lancer là-dedans, déjà? Avant de considérer la mère de Grégory comme coupable, pourquoi entre-t-elle dans cette histoire? Alors, j'ajoute... Qu'est-ce qui lui prend, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui lui prend? Marguerite Duras a longtemps été journaliste. Il oui. Faut pas l'oublier. Non. D'ailleurs, elle on était journaliste de faits divers. Ouais. Faut pas l'oublier non plus. Donc, elle a une grande habitude et une grande compétence, entre guillemets, depuis extrêmement longtemps, sur le fait divers. Le fait divers la passionne depuis très longtemps. Elle a eu une attitude extrêmement critique politiquement vis-à-vis du gouvernement au moment de la guerre d'Algérie. Elle a transformé, en tant que journaliste engagée du côté du FLN, du côté de l'indépendance de l'Algérie, tout ce qui pouvait apparaître comme fait divers en espèce de tribune politique. Et je vous engage fortement à relire certaines tribunes signées Marguerite Duras dans France Observateur de l'époque, et vous verrez que un vendeur de fleurs dans un marché qui a été bousculé par les forces de l'ordre, qui s'avérait commettre un attentat et avoir un comportement raciste, et pour elle l'occasion de défendre l'attitude du FLN et de l'indépendance de l'Algérie. Donc, il faut pas oublier ça. Elle était déjà une journaliste très aguerrie aux faits divers. Elle a la conscience, pardon, de croiser un fait divers extrêmement retentissant, parce qu'il y a tout dans ce fait divers. Est-ce qu'elle a cette conscience-là? C'est pas un fait divers comme les autres. C'est pas un fait divers comme les autres, et Marguerite Duras, elle est comme tout le monde, et d'ailleurs elle dit qu'elle est comme tout le monde, et que c'est pour ça qu'elle se veut l'écrivain le plus public qui soit. Elle s'intéresse à tout ce qui intéresse tout le monde. Elle est une des personnes de ce monde-là. Et elle est très midinette, et elle assume ce côté midinette. C'est ce qui fait sa force. C'est pas pour rien que son best-seller, qui a eu le prix Goncourt, s'appelle L'Amant. Ah bon, ouais. C'est une histoire d'amour, comme n'importe qui d'entre nous aimerait en vivre des histoires d'amour comme celle qu'elle a racontée et qu'elle a un peu romancée. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, comme tout le monde, et puisqu'elle est une écrivaine publique et qu'elle l'assume, elle s'intéresse à l'histoire de Christine Villemain. Je rappelle qu'on est au 273e jour de cette histoire qui est un roman feuilleton. Bien sûr. Un roman photo, un roman feuilleton qui met en prise la justice, l'interrogation sur une classe sociale que les journalistes ne connaissent que de très loin. Et tout d'un coup, elle se dit, parce qu'elle a toujours été sorcière. C'est-à-dire? Et sourcière. Les deux en même temps. Ben, sorcière, elle admire Michelet, le grand écrivain du 19e siècle, a écrit ce livre absolument magnifique qui s'intitule La sorcière et qui va réhabiliter la figure de la sorcière qui a été très longtemps décriée depuis l'aube du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle et qui incarnait toutes les forces maléfiques de la féminité. Donc, elle se prend pour une sorcière, et elle est aussi sourcière dans le sens où elle a la sensation, la perception, l'impression, véritable ou factice, on ne le saura jamais, mais en tout cas, moi j'ai vérifié, je l'ai vu de mes propres yeux, vu dans sa maison de campagne de Naufle-le-Château, elle se baladait dans son jardin avec une petite baguette de coudrier, et elle savait trouver les sources d'eau. De la même manière, dans cette maison de Naufle-le-Château, où sont nés beaucoup de personnages de la saga durassienne, et notamment le personnage de la mendiante, le personnage de l'Olvestein, etc., elle communiquait par impression, perception de l'au-delà, avec des créatures, des personnages qu'elle inventait elle-même, mais qui étaient si réels dans son imaginaire qu'ils existaient vraiment pour elle. Donc vous voyez, pour elle, il y a une sorte de porosité. L'un ou l'autre. Oui, voilà, oui. Porosité entre le réel et l'imaginaire. Donc cette histoire, eh ben, elle se dit, je voudrais voir Christine Villemain, je veux la voir, parce que si je la vois, je vais la regarder droit dans les yeux, et je vais savoir la vérité, et cette vérité que les juges n'arrivent pas à trouver. Sauf que on a l'impression qu'elle part d'un postulat dont elle est vraiment certaine, c'est que Madame Villemain est coupable. Non, alors, je dirais oui pas ou non. Tout à fait ça. D'accord. Quand on relit ce fameux article de Libération, ouais, et qu'on relit tout ce qui a été écrit depuis, et qu'on écoute tout ce que Marguerite Duras a fait semblant ou a tenté d'expliquer sur l'affaire de Christine Villemain, Je dirais pas ça. Je dirais que ce qu'elle voulait, c'était voir Christine Villemain. Et elle disait que elle savait transpercer les cœurs, les âmes et les regards. Elle n'a pas pu voir Christine Villemain. À partir de là, elle est persuadée, exactement comme dans son jardin de Naufle-le-Château, ou quand elle se balade en imagination dans son ancien pays où elle est née, le Vietnam, qu'elle va trouver dans le paysage la vérité de ce personnage. Elle va devoir se contenter du paysage de la Vologne. Et à partir de là, elle se livre, je vous assure, j'ai vraiment relu, encore une fois, à votre invitation, pour la 43e fois, je crois, cet article de Libération sur Christine Villemain. Elle se livre à un exercice littéraire, sauf que cet exercice littéraire est extrêmement dangereux, et que la croyance qu'elle a en son propre talent l'emmène à transgresser les règles de l'élémentaire morale. Alors, je vous présente Annaëlle Verzo, que vous connaissez probablement. Bien sûr, Annaëlle. Voilà, à France Inter, on se connaît. Annaëlle, vous êtes allée voir Denis Robert. Alors, Denis Robert, journaliste et réalisateur, qui en 1984 était correspondant dans les Vosges pour Libération. Il est cité, pas dans l'article de Marguerite Duras, en plus, hein, absolument, Denis Robert. Absolument, et il suivait l'affaire Grégory depuis le début. Oui, et quand Marguerite Duras arrive à L'Épanche sur Vologne, c'est lui qui l'accueille, l'emmène voir la maison des Villemain et la met aussi en contact avec les différents acteurs. Marguerite arrive, envoyée par Serge Julie, je pense que c'est une idée de Serge. À cette époque, tous les quotidiens, les journaux, les hebdos, les télés, essayaient de trouver des angles possibles. Je ne sais plus quel journal envoie un inspecteur de Scotland Yard, un autre envoie un flic à la retraite, un autre envoie un écrivain. Paris Match envoie Helmut Newton, un photographe. Et Serge se dit, il avait dû bouffer avec Marguerite la veille ou un truc comme ça. Enfin, je sais que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Marguerite a dit à Serge, je trouve que c'est une histoire géniale. Enfin, j'ai très envie d'y aller. Enfin, et puis Serge dit, on va envoyer Marguerite, envoyer spécial. Et donc, je vois arriver Marguerite. Et donc, on a une voiture de loc, on part à quatre. Et on arrive devant la maison, sur les hauts de l'Épanche. Et là, effectivement, elle me prend la main et elle me dit « le crime a existé, je le sens ». Il y avait comme une sorte de transe, quoi, de sa part. Elle a cherché ensuite à rencontrer Christine Villemain, qu'elle n'a pas pu voir. Oui, après, c'est le lieu de ralliement, c'est l'hôtel de Brouvelières. C'est de là qu'on téléphonait. Donc j'avais appelé Henri-René Garraud, l'avocat de Christine Villemain, et Christine ne voulait pas. Et le dialogue entre Garraud, quand même, avocat, gascon, bourru, plutôt d'extrême droite, enfin, en même temps, ne manquant pas de malice et de recul, le dialogue entre Marguerite Duras et Garraud, c'était quelque chose, quoi. Et moi, j'étais entre les deux, et je faisais l'intermédiaire. Puis au bout d'un moment, je dis, écoutez, je vais vous la passer, c'est plus simple. Mais parler avec Marguerite, c'était tout sauf simple. C'est-à-dire qu'elle posait des questions, et elle était sur un autre espace mental que nous. C'est-à-dire que elle pouvait tenir un silence. Par exemple, là, si je suis Duras, et si je vous regarde et je vous dis, mais vous en pensez quoi? Et là, on et elle attend qu'on réponde. Elle n'était pas pressée par les mots. Une hyper-intelligence, quoi. Elle était sans tabou. C'est beau un silence en radio, quand c'est habité, que ça dit des choses. C'était les techniques de Marguerite. Ben hein. Oui, ben oui. Ne pas oublier, quand même, que Serge Julie et Marguerite Duras étaient extrêmement liés par une très forte amitié, une admiration réciproque. Et n'oublions pas non plus, et soulignons-le, que Serge Julie avait engagé comme collaboratrice régulière Marguerite Duras pour parler de ce qu'elle voulait. Un jour, elle pouvait parler de Platini et dire des conneries énormes. Le surlendemain, écrire un article absolument extraordinaire sur Jean-Marie Djibaou et les accords en Nouvelle-Calédonie. Donc, elle avait carte blanche. Mais il était bien embêté, Serge Julie, quand il a vu l'article. D'ailleurs, il a été obligé de publier un petit article à l'intérieur des pages de Marguerite Duras sur Christine Villemain. On retrouve Denis Robert à votre micro, Annaëlle Verzo. Et qui nous fait plusieurs révélations assez inattendues. Est-ce que d'après vous, elle a été influencée réellement par le juge Lambert? Non, parce que je crois que c'est beaucoup plus lui qui a été influencé par elle que l'inverse. Parce que Lambert se rêvait écrivain, et le rencontrer Duras, c'était comme un chrétien rencontrer Jésus-Christ, quoi. C'est-à-dire que je me souviens quand je suis arrivé à Épinal avec Marguerite, lui a raconté des choses sur Christine Villemain, mais elle était beaucoup plus forte que lui, quoi. C'est-à-dire que elle lui a apporté un mobile. lui était emmerdé. Il avait une sorte de fascination pour, idiote hein, pour Christine Villemain, Jean-Michel Lambert. Mais il était ennuyé parce qu'il n'avait rien d'objectif dans le dossier qui pouvait à aucun moment justifier le crime. Et à ce moment-là, Marguerite, avec son obsession de la vengeance ultime des mères qui ne veulent pas forcément procréer, elle lui met une graine dans le cerveau. Et puis il y avait la présomption d'innocence à ce moment-là en plus, hein, pour la mère. D'autant plus qu'elle l'avait été quasiment innocentée, quoi. Elle était, on s'était rendu compte que le crime était matériellement impossible, quoi. Mais Marguerite, on n'avait pas grand-chose à faire de ces détails. Et donc d'après vous, l'erreur, ça a été de publier ce texte à ce moment-là, dans Libération en tout cas ou... Je sais que Christine Villemain, à juste titre, elle s'est sentie mais avilie, agressée, blessée. Moi, à l'époque, Sœur Julie m'a demandé mon avis et je lui avais dit, il ne faut pas publier ce texte. Hein. Ce texte est une ignominie, quoi. Ah, vous lui avez dit ça ? Bien sûr. Mais il ne vous a pas écouté ? Non, ça n'avait pas de sens, quoi. Et après, vous me disiez que vous avez gardé contact avec Marguerite Duras, vous appeliez régulièrement, vous êtes vue aussi. Est-ce qu'elle s'en est voulu après d'avoir publié ce texte ? Jamais, jamais, parce qu'elle était dans la littérature. Et qu'elle avait cette idée que la littérature avait tous les droits. Vous pouvez la mettre en prison. Elle s'en foutait, quoi. Parce qu'elle était dans un délire, quand même. Elle était dans l'idée que... Et même si Christine Villemain avait tué son enfant, elle avait eu raison de le faire. On ne pouvait pas la juger, quoi. Elle était dans un délire comme ça, quoi. Et ça, c'est dur à faire comprendre, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laura Adler, tout ce que vous venez d'entendre ? Ça m'inspire beaucoup de questions. D'abord parce que cette histoire est très douloureuse encore aujourd'hui pour la mémoire collective où elle s'est inscrite en lettres de feu et tout le monde sait qu'on ne sait pas encore aujourd'hui au moment où nous parlons. Nous ne savons pas qui a tué le petit Grégory. Quand on relit l'article de Marguerite Duras, on y voit en dehors des obsessions littéraires de Marguerite sur l'enfant. Je ne vais pas revenir sur l'importance de l'enfant dans la littérature de Marguerite Duras, mais aussi dans la vie de Marguerite Duras et sur le fait qu'elle a perdu un premier enfant et qu'elle en a très peu parlé, sauf dans un texte bouleversant qu'elle n'a jamais d'ailleurs véritablement édité. Mais par contre, on peut revenir sur des phrases de Marguerite Duras. Et à un moment dans son article, je veux pas me faire la défenseuse de Marguerite Duras parce que je trouve que cet article est horrible et j'ai pensé à la douleur, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'a pu éprouver Christine Villemain, à la révolte et au dégoût qu'a pu éprouver cette mère de famille quand elle a lu cet article. Mais par contre, en tant qu'amoureuse de la littérature et en tant que respectueuse des procédés de fiction dans l'univers de la littérature, je peux avancer que peut-être Christine V n'est pas Christine Villemain. Et je peux souligner une des phrases de Marguerite Duras où, dans cet article de Libération, elle dit « Christine V est innocente, elle a peut-être tué sans savoir, comme moi, j'écris sans savoir, les yeux contre la vitre, à essayer de voir clair dans le noir grandissant du soir de ce jour d'octobre. » Elle écrit sans savoir. Mais est-ce que c'est... Sauf qu'elle est Marguerite Duras et que oui. C'est une star absolument incroyable. Donc d'accord, elle dit est-ce que c'est tout recevable. Ce qu'elle pense à travers oui, sa tête. Oui, mais est-ce que c'est recevable pour autant, dans le contexte, dans toute cette agitation, cette folie autour de l'événement, autour de la réalité, autour du fait divers, autour de la presse, est-ce que c'est recevable ? Ben, recevable juridiquement, non, sûrement pas. Moralement, c'est scandaleux. Littérairement, je vous assure que le texte continue à exister et que dans l'opinion commune du langage dans lequel nous baignons tous, eh ben, l'expression sublime, forcément sublime, elle est passée dans le langage courant. Et c'était le titre de l'article absolument, de Marguerite sublime. Duras dans Libération. Alors, ce qui a dérangé aussi, c'est l'écart peut-être entre ce qu'est Marguerite Duras, bourgeoise parisienne, intellectuelle, star, qui voit le temps de voir ça, qui voit la Vologne, qui voit l'Épange sur Vologne, qui parle peut-être de quelque chose, d'un milieu qu'elle ne connaît pas. En tout cas, ça a généré des critiques sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la critique était légitime ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cet intello qui vient voir un peuple qu'elle ne connaît pas ? Je crois que ça aussi, ça appartient à l'univers de la littérature. C'est pathétique. Quand on souligne cette dimension-là qui est bien réelle dans l'article de Marguerite Duras, c'est pathétique. C'est comme si, après avoir fait quelques centaines de kilomètres, elle allait tomber sur une tribu amazonienne avec des rites, des codes, des langues qu'elle comprend pas. Elle voit la Vologne et l'épange. Elle considère que ce paysage va lui permettre de dire sa vérité et que sa vérité va être érigée en universalité de la vérité avec un grand V. Et d'autre part, je pense qu'il y a une dimension qui n'a jamais été assez soulignée dans cet épisode douloureux de Grégory, parce que moi je pense à Grégory, pourquoi il a disparu, comment il a disparu, qui s'occupe de la mémoire de Grégory aujourd'hui. Mais il y a une dimension incroyable dans l'histoire de l'article de Marguerite Duras, c'est que en fait, c'est un texte d'autobiographie. Elle parle à elle-même. Elle parle pas au lecteur de Libération. Elle essaye pas d'expliquer l'affaire. Elle essaye d'expliquer que si Christine V a pu tuer Grégory, c'est parce que, après tout, eh ben, son homme ne l'aimait pas. Et puis elle voulait peut-être pas un enfant. Et puis elle voulait peut-être pas être mère. Et puis après tout, c'est peut-être pas obligatoire quand on est une femme d'être mère, etc. Mmh. Elle essaye de se donner des auto-explications pour justifier le geste atroce. Enfin, il y a même pas de mots pour pouvoir le décrire, ce geste où elle se fait un cinéma, cinéma morbide. Christine V. Avec un grand V comme vérité, peut-être. Je rappelle, Laura Adler, que si vous parlez aussi bien de Marguerite Duras, c'est que vous en êtes la biographe. Laura Adler. Pas l'unique. Non, mais vous êtes biographe, parmi les biographes de Marguerite Duras. Et vous avez eu, pour cette biographie, le prix Femina Essai 1998. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Laura Adler. Et à ce soir, à 20h, l'heure bleue. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Marguerite Duras et l'affaire Grégory, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos.